إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله تعالى بعد ما كملنا دراستنا من كتاب متممات الأجرمية، السلسلة دون نحو كنا بكمانسي، سندخل في شيء جديد dans le fun de l'imla. Qui est lui plus relatif à l'écriture, à l'orthographe. Nous avons lu le livre Moulakhas al-Imla, une forme de topo des règles d'Imla, écrit par le frère Abu Hatim al-Hadrami, Adil ibn Salih, qui est le toulab de Damaj, le toulab de Shayah, ici avec nous. الساحل الحضرموت سوف كيلو العديس كتاب كان يدرس في دمشق كثيرا ومعروف لو بروبليم سي كو il y aura pas le PDF n'est pas disponible en PDF donc من يتابع هذا الدرس ف اما يجتهد واما اصلا ce درس il est pour toi t'as vu pour les présents comme on dit les koufars ils ont une règle où ils disent que les absents toujours tard. Cette règle, elle est vraie ? Hein ? Là. Inam al-amal bin niya. Déjà, dans le hadith, Anas, radiallahu anhu, qu'a l'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'a l'écoutna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, raja'na min ghazat tabouk, fa qu'a l'a, inna khalfana bin medina, rijalun, ma katartum wadiyan, wa la shi'aban ilayhum ma'akum, sharakum fil ajr, habathahum, al-uzr aw al-marad. Qu'il a dit que lorsqu'il revenait de la guerre de Tabouk, le Nabi Sarsam a dit certes, on a laissé derrière nous des gens, des hommes, à El-Medina, c'est-à-dire c'est déjà parti. Vous n'avez pas traversé une vallée, une contrée, sans qu'ils n'ont été avec vous. C'est-à-dire par leur niya, par la récompense. Ils ont pris une part de la récompense avec vous également. Seulement, ils ne sont pas venus car ils ont été retenus par une excuse, la maladie ou autre. Donc, c'est pour que ces gens-là avaient la niya de venir, mais n'ont pas pu venir. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont eu tort ? Ils n'ont pas eu tort. Ils ont été dans la capacité de pouvoir le faire. Donc, cette règle-là, elle est fausse. Des absences, il y en a qui ont tort, il y en a qui n'ont pas tort. Celui qui est excuseur, il n'a pas tort. Tambi baisse par rapport à ça. Tayyib. Donc là, comme on l'a expliqué, ce kitab, c'est plus relatif aux règles d'écriture. Il y aurait eu... Ahyan al-Kod Nartaj et Saboura. Pour pouvoir avoir un visu plus optimal dans les Masa'il. Et surtout de la compréhension, comprendre les kawaïd qui vont être donnés. Anna a dit, Awal Marra ou Daris Mithlad al-Kitab. Première fois que j'enseigne dans ce fun. Peut-être que des fois je ferai preuve de maladresse, c'est possible. Bien que j'ai déjà étudié plusieurs fois des kutub dans ce genre-là. Mais ça fait longtemps. Car ça, t'en as besoin au début, parmi les choses qu'il ne faut pas négliger à apprendre. Car plus tard, le talib, il est amené à écrire. Et dans là, ils deviennent des mu'allifines, ils écrivent des kutub entiers. Donc comment te permettre d'écrire des kutub entiers si tu ne connais pas les règles d'Imla ? Ça va se voir tout de suite. Et cela portera atteinte à ta da'wa. Ils diront, Foulain, mashallah, c'est un muhadith, mais il ne sait pas écrire. Même le khat. Le khat, c'est muhim. Ton écriture, il faut qu'elle soit correcte, compréhensible. Donc ça, c'est des choses qu'il faut impérativement apprendre. En tout cas, c'est comme le tajwid. Si tu ne connais pas, en tout cas, les règles, puis tafsil, tout en biko. Il faut les appliquer. Maintenant, je ne dirais pas que celui qui se trompe dans le hamza, il a pris des péchés. Alors que celui qui a écrit le Coran, il a l'aimé le kawaïd, il a l'aimé le tabbikoha, naam. Wa kharaf al-amr. Lakin là, dans l'imla, c'est autre chose. On ne va pas dire qu'il prend un péché parce qu'il a écrit un hamza à un mauvais endroit, alors qu'il le sait, il s'en fiche, il a été négligent. Pas dire que c'est haram sur lui, mais on va dire que c'est un manque de amel bil ilm qui peut amener à des conséquences plus néfastes par la suite. En tout cas, c'est sûr qu'aux yeux des gens, il ne sera pas crédible. Akol Shay. Taïeb. Tanakra ma qala al-mu'allif an kitabihi. شيح لها في المقدمة du livre. On va pas la lire. On اكتفي بالمهم من هذا الكتاب. قال حفظ الله تعالى هذا الملخص. C'est une forme de récapitulatif. هذا الملخص يعتبر باكورة لطالب المبتدئ في هذا الفن. Bakoura, je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot. Dans le sens comme s'il voudrait dire que c'est une chose indispensable. Ou plutôt ce livre est un soutien pour le talib qui sera débutant dans ce domaine de l'imla. C'est une chose primaire, quoi. قال لا أدعي أنني قد أودعته جميع مسائل الإملاء وإنما هو ملخص كاسمه. Donc il dit qu'il ne prétend pas avoir mis toutes les règles d'Imla, d'accord, parce qu'il y en a plein des règles. Il a mis l'essentiel. C'est une forme de récapitulatif de topo, comme le prouve son nom. حرصت في هذا المرخص على الاختصار فلم أذكر الخلاف إلا نادرا وتجنبت الخوض في المسائل النحوية والصرفية ما استطعت لما رأيت فيها من توعير الطريق على طالب العلم. Donc il a fait ça de façon résumée. Il ne cite pas les khilafs qu'il y a dans les masaïl d'Imla, parce que des fois t'as des khilafs. Il ne se penche pas trop dans les masaïl de nahou et de sarf autant qu'il peut. Des fois il est obligé de le citer, comme il a vu que cela pourrait être une forme de lourdeur pour le talib étudiant. Quand tu rentres dans un feuille, on te parle de trop de trucs à côté, des hawaïch ou à Hawashi plutôt, et qu'après, ça te perturbe. قال ومن الاختصار الذي سرقته في هذا المرخص أنني لم أذكر سوى المباحث التي لا يستغني عنها طالب العلم في كتابته كمبحث الحمزة والألف اللينة وزيارة الحروف وحذفها. Donc là, il a cité que les règles auxquelles tu n'échappes pas, que tu es obligé de connaître dans l'écriture, comme ce qui concerne les règles du Hamza, comme cela veut dire le Alif Layyena, et quand on rajoute les lettres, quand est-ce qu'on enlève. لم أذكر المراجير والمصادر اختصارا ستجدها إن شاء الله تعالى في شرحي على منظومة الإملاء يسر الله إتمامه ونشره والنفع به. Il ne cite pas les références, mais tu les trouveras dans son charh qui compte faire, inshallah, car il a aussi écrit ce livre en poésie. Et il espère que son livre, son explication soit éditée. Et dedans, tu trouveras les maraja. جميع الآيات في هذا المرخص مرسومة برسم الإملائي الحديث وليس برسم المصحف وقد حرصت ولا اجتشحاد بالآيات القرآنية اتباعا للسلف في ذلك وتبركا بالاستشحاد بها. Donc il dit que les versets qu'il cite dans ce murakhas, ils ne sont pas écrits comme dans le mushaf. Quand on va prendre le mushaf, il y a une écriture qui lui est propre. Et il a tenté de trouver des exemples autant que possible du Coran. Car c'est la base, et c'est la voie des salafs, et pour trouver la baraka. Car la base, tout cela qu'on apprend maintenant, là, dans le nahou, dans l'imla, autre, dans l'akida, dans le fiqh, c'est quoi le maqsoud min zalik? Fahm kitabillah. Comprendre le Coran. Wa sunnat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam pour appliquer. Car on a été créé pour cela. وَمَا خَرْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قَالَ وَضَبَطُ بِشَكْلِ جَمِيعَ الْأَمْثِلَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى تَوْفِيقِهِ. Et qu'il a mis les شَكْلِ, تَشْكِيلِ, حَرَكَاتِ dans les exemples. ثُمَّ قَالَ الْإِمْلَاءِ. L'imla là-bas, c'est le masdar أَمْلَأَ يُمْلِئُ. Souvent, c'est le fait de remplir une chose, on peut l'employer pour le fait de dicter. Ça umli alaykum kaza wa kaza, le fait de vous dicter quelque chose. قال تعريفه يعني في الاصطلاح هو نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة ويقال لها فن رسم الحروف. Donc ce sont des symboles, des motifs, inscriptions qui se bâtit sur des bases par lesquelles on peut connaître la façon d'écrire. Et ce fun s'appelle également la science de l'écriture des lettres. Anwa al-khutut, le forme de l'écriture qui existe. Là, quand on parle de l'écriture, on ne parle pas de calligraphie comme Khat, Raka'a ou Nusra ou Kada. On dit la façon d'écrire les huruf, de façon générale. Quand les khutut, ça l'est de Anwa. Awalan Khat al-Mushaf al-Uthmani. Ce qui est Khat qui est ma'alouf. La yuqas alayhi liyana wurus ima ala kawa'id murtabata. Murtabata bil kira'at. Fakat tourzef bad al-huruf min kalima. Fakat tousal kalima bi ukhra. بحسب القراءات التي وردت فيها. Donc ce khat-là du mushaf al-Othmani, on ne se base pas dessus pour les autres écritures. C'est une écriture qui lui est spécifique. D'accord ? Et cela, il est basé sur les qira'at, les formes de récitation. Il se peut que des fois, tu enlèves des huruf. Il se peut que des fois, tu joignes un mot à un autre. Cela dépend des kalimah, ou plutôt des qira'at. Donc comment le Coran il est écrit dans le Mushaf, on ne se base pas là-dessus pour faire des règles. Ce sont des règles qui sont spécifiques à lui. Quelqu'un demain il va voir un Hamza où est-ce qu'il est écrit, il dit je vais vérifier dans le Mushaf. On dit là, dans le Mushaf, il faut que tu trouves de façon différente de règles de base que tu connais, sur lesquelles tout le monde quand même se base. Ala, naam. Fa'adha wa l'awwal, al-khat al-Uthmani. Et c'est le khat sur lequel Othman a unifié tous les masahif pour qu'il n'y ait pas de relève dans la Umma. Quand les khat al-Aroudiyin, je ne sais pas si c'est Aroudiyin ou Aroudiyin, je crois que c'est Aroudiyin, non. Hum yaktubun al-shi'r bil-lafzihi liyashul waznuhu. Eux, ils écrivent le shi'r, la poésie, comme il se prononce. Mathalan, fi al-kalimat an-tanwin. Tanouin, t'as cool, mais ça l'aime Kitaaboun. Ils vont écrire Kitaaboun, après le B, ils vont mettre Tanouin. Et non pas Tanouin. Yuktab, comme il y a une toque, t'as même. T'as même, mais ça l'aime. Et c'est là pourquoi ? Pour faciliter son wazn, c'est-à-dire les mesures de cette poésie. Donc ça, Kazalik, la Yuqas alayhi. Demain, tu vas avoir des vers de poésie écrits, ne va pas te baser dessus pour pouvoir en faire des règles. Même dans le Nahu, des fois tu auras ce qu'on appelle darurat al-shi'r. Tu auras des règles de Nahu qui vont être enfreintes par nécessité dans la poésie. Donc tu ne te bases pas là-dessus non plus, forcément. Tout comme également, Yanni, c'est assez paradoxal, tu ne te bases pas dessus, tout comme on se base dessus en fait. Par beaucoup de shawahid dans le Nahu, on les prend d'où ? De la poésie des Arabes, de l'islam ou d'avant l'islam. Car leur kalam était fasih, safi. Mais il y a des fois des choses qui étaient données, c'était de la darwa shi'riya, qui ne sont pas des règles de base. Thumma qala al-khat al-istilahi. Huwa al-imla. C'est la règle générale. Celle comme on écrit nous tous, actuellement. Qala wal-aslu fil-kitaba huwa rasm al-kalima al-mantuqa wa taswiruha kama sumi'at. Liutahu li kira'a notkuha. Hada wal asl. On écrit comme on parle. Là, c'est parmi les facilités de cette langue, contrairement à la langue française, qui elle est beaucoup plus complexe dans l'écriture, les règles d'écriture d'orthographe. On a plein de mots, ils ne s'écrivent pas comme ils se prononcent, et des fois, l'écriture elle-même te donne la différence entre les mots. Par exemple, tu as le mot les pour dire masalène, les chevaux. Tu as le mot les pour dire que tu n'es pas beau. Tu as le mot les pour dire boire du lait, ainsi de suite. Tous ils se prononcent à peu près pareil. Est-ce qu'ils s'écrivent pareil ? Ils s'écrivent pas pareil. Et quelqu'un, c'est quand il écrit, tu vas voir s'il est fort en français ou pas. En parlant, il pourra parler. On dit, écris maintenant. Écris les chevaux. Il va t'écrire L-A-I-D, chevaux plus loin. Avec un O, dire toi, c'est pas bon. Mathalan. En arabe, c'est beaucoup plus facile à la base. C'est t'écris comme tu prononces en général. Après, il y a des stisna'at. Lakin bad al-huruf tuktabu khilaf ma sumi'at. فوضعت لها قواعد وضوابط تحكمها ليسهل تعلمها وهذه الضوابط هي التي تعرف بقواعد الرسم الإملائي. Donc comme il le dit, certaines huruf ne s'écrivent pas comme on les entend. Donc de là on a mis des règles pour pouvoir savoir comment les écrire, avoir les normes pour savoir comment écrire telle chose. Et c'est en cela le cause de ce kitab. قال وتعلم هذه القواعد يكون بعد ان يتعلم الطالب الحروف الهجائيه وصوره كل حرف في حالته الثلاث اول كلمه بوسطها واخرها وما يتصل بالاخر من الحروف وما ينفصل عنه وكذلك ينبغي للطالب ان يفرق بين الفتحه والالف والضمه والواو والكسره والياء كما يقول سي ريغ nous apprend comment après qu'on a appris les حروف هجائيه Alif, Bata, Thajim, il a akhir zalika. Il sait comment les écrire, quand ils sont attachés, quand ils sont détachés, quand ils sont en milieu de mots, en fin de mot, en début de mot, comment on écrit les Ashkel, Al Zalika. Tu commences par ça. Tu commences déjà par savoir lire, décrypter, comme on dit. فإذا أتقن هذا الشرع في تعلم القواعد الإملائية فإن الطالب لا يستطيع استيعاب هذه القواعد حتى يمهد لها بما تقدم والله أعلم. Même, donc une fois qu'il a maîtrisé ces choses-là, primaires, par la suite, il y a trop le fi hadha al-fan. Ça, c'est ce qu'on conseille aux gens, c'est de commencer directement par ça. Car après, c'est fatigant de revenir en arrière. Tara badanas akouya fil nahu. Il fait l'irlab toute chose. Tu lui dis, écris-moi tel mot. Et là, tu le vois, le hamza, c'est pas où est-ce qu'il se met. Il est embarrassé. Il va te dire, à la fin, c'est une fatha, c'est un marfour. C'est pas ça ma question. Écris-moi le mot et le hamza, il se met où ? Sur la ligne, sur un waouh, sur un ya, sur un alif, et là tu vois qu'il est tazarzar. Donc là, depuis le début, le ba'adi, inshallah, il y a trop le fi hadha al-fan. Qala fayda ta'allum al-imla. Donc c'est quoi le fayda d'apprendre cela? Ma'rifat rajih fil kitaba wal bu'd an al-khata fiha lianna na'ibat an al-lafz wal khata fiha kal khata fihi. Donc c'est pour apprendre à connaître ce qui est authentique dans l'écriture et pour éviter les erreurs car les erreurs d'écriture remplacent les erreurs de prononciation et ceux qui se trompent dans l'écriture en arabe se trompera dans la prononciation également adala buddaminu thumma zakara marahil tatawwur al-imla comment cette imla s'est développée al-kitaba al-arabiyya qaribatun al-huduth qabl al-islam donc l'écriture telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est une chose qui est récente. Elle a eu lieu après l'islam. Bad biafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam. Faqil awwal man khatta bil arabi Maramir ibn Murra. Donc il a dit que c'est lui qui est le premier qui a écrit en langue arabe. Ça c'était bien avant l'islam par contre. ثم انتشرت الكتابه في الحجاز par la suite cela s'est propagé dans le Hijaz savoir une chose que les arabes étaient des gens qui se basaient beaucoup sur le hifz tamam c'était pas les gens qui écrivaient beaucoup d'ailleurs ça s'appelle umma ummiya c'est-à-dire à la base c'est une umma illettrée et c'est des gens ils faisaient des poésies en improvisant comme ça et celui qui écoutait la retenait aussitôt la poésie et la sortait des années après ils écrivaient pas pour beaucoup d'entre eux ils retenaient par le hifz à l'oreille. ثم تطورت الكتابه الى الكوفه. Par la suite cela s'est déplacé au Koufa. Après que c'était dans le Hijaz. ووضعت للخط قواعد. En plus après ils ont mis des règles pour pouvoir écrire. وسمي بالخط الكوفي. C'est au Koufa ils ont commencé à mettre des règles pour pouvoir écrire correctement que les gens puissent tous se baser sur des mêmes terminologies. ثم انتشرت في البصره وغيرها. En plus par la suite cela est parti à Al-Basra. حتى جاء ابن المقلة je pense ابن comme ça le شكل ابن مقلة فنقل الكتاب من الخط الكوفي الى الخط الى هذه السورة وتبعه ابن بواب وما زال الخط في تطور الى اليوم donc après cet homme qui est venu ibn muqilla ou muqalla a transformé cette khot qui était le khot koufi qu'aujourd'hui on n'utilise pas pour venir à l'apparence qu'on a actuellement à peu près Et il était suivi en cela par Ibn al-Bawwab. Et l'écriture n'a cessé d'évoluer jusqu'à notre jour. Jusqu'à notre époque, aujourd'hui, encore on fait des choses nouvelles. Dans les ponctuations ou autres qu'il n'y avait pas auparavant. Quand cela va arriver à la fin du kitab. Qala, wa ba'da al-islam. Tout ça, c'est avant l'islam. أول من وضع الشكل هو أبو الأسود الدؤلي. Car avant les Arabes, ils écrivaient les hurufs comme tu le vois, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de point. Le kof et le fa et le ta et le tha et le ba et le jim et le kha. Tous ces hurufs, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de point dessus. Ni le za, ni le zad, tous les zay, le zel, tous les hurufs qu'on ait des points, il n'y en avait pas. Tout était pareil. Mais ils reconnaissaient dans le siècle du Kalem, ils arrivaient à comprendre. C'est leur langue. Ils la maîtrisaient. Donc le premier qui a commencé à mettre des shakl, là maintenant qu'on voit des shakl, c'est tashkil, tout ce qui est fatha, dhamma, kasara, sukun. C'est Abu al-Aswad et Dawali, Edo Ali. C'est là que le nahw il a commencé. Parce que les gens faisaient des erreurs de lahn, qui changeaient le sens. Donc de là, il était dit que Ali ibn Abi Talib a ordonné à cet homme-là de commencer à mettre des choses pour que les gens puissent maîtriser cette langue. Car comme l'islam se propageait, des hadjim entrent dans l'islam, des non-arabes, ce qui fait que ça commençait à se mélanger. Et la langue, la pureté de la langue arabe commençait à se perdre. Quand les Thumma wada'a Talmiza Nasr ibn Asim wa Yahya ibn Ya'mar al-Nuqat. Puis ces deux élèves, eux, commencent à mettre les points pour différencier entre le Qaf et le Fa'ir et le Zalika. Donc ça, c'est arrivé après l'islam, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après le khalifa de Ali, apparemment. أما الشكل الذي نستخدمه اليوم فهو من وضع الخليل بن أحمد. Et maintenant le tashkil tel qu'on le voit aujourd'hui en fait, car apparemment Abu al-Aswad peut-être qu'il posait les choses de façon différente. Celui qui a mis les shakl comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire la fatha, le trou dessus, la kasra, le trou en dessous, la dhamma qui est comme on la connaît, tout ça, c'est al-Khalil ibn Ahmed. Ou al-Khalil ibn Ahmed, c'est l'un des professeurs, le professeur de Sibawayh, qui est l'imam dans la langue arabe. On a pris la fête il n'y a pas longtemps de Ibrahim al-Harbi. Il a dit que Al al-Basra, Al al-Lugha, Kulluhum, c'est toute partie de la Bida à part 4. Tu te rappelles ? Ibn Malik. Ibn Malik est venu bien après. Bien après, il est venu après. Je crois que c'était tous. Là, il a dit 4 de son époque. Là, il a dit Al-Khalil ibn Ahmed, celui dont on parle là maintenant. Après, il a dit Al-Asma'i. Après, il a dit Yunus ibn Habib. Thumma qala Yunus ibn Habib. Et après, il a dit Othman Abu Amr Al-Azdi. Ces quatre-là, c'était les quatre qui étaient des gens dans Koufa, des imams de langue arabe, qui étaient des gens de la Sunna. Peut-être que Sibawi est arrivé après, parce que Al-Khalil, c'est son professeur. Donc voilà quoi. Donc ça c'est ce qu'on a pris au début aujourd'hui comme code d'Ima pour le kitab. Inch'Allah. Et بعد ذلك سنواصل في باقة الكتاب. Inch'Allah ta'ala. مفهوم هذا؟ فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.